j'ai la rage comme personne. Du fond de mon trou, mon rap en perce. On a manu percute dans les oreilles, comprend le personnage. J'ai la foi dans ce que je fais, peut-être trop parfois. Ma voix porte, m'ouvrira les voies, les portes. Porte-parole de ma street, toujours dès quand les potes partent. Jamais pris au dépourvu quand les putes parlent. Des piges de rap, mes premiers pas dans l'arène sans plus de mal. J'ai bien compris qu'on grec avec les crocs. Telle est la règle, je parle de cas à part, pas d'incapables. De ceux qui ont des couilles, pas de ceux qui en ont pas. Notre arrivée est imminente et sans équivoque, car on élimine les parasites qu'on tourne, ceux qui bloquent. Car les hommes, D.E.R. Clean un bloc, un son malsain, mais d'une 77 S. Marcel 97 2 P.I. le bled. Sans équivoque, carbure, si tu comptes un jour, doubler les deux. Sans équivoque, la grenade 2091, des goupilles, pas de blague dans nos pailles, pas le temps pour les broutilles. Pas le faire quand il est chaud, qui ose croire qu'on est pas de taille. Bras de fer vers les sommets, les deux pieds dans la bataille. Sans équivoque, la grenade 2091, des goupilles, pas de blague dans nos pailles, pas le temps pour les broutilles. Pas le faire quand il est chaud, qui ose croire qu'on est pas de taille. Bras de fer vers le sommet, les deux pieds dans la bataille. La taille dans la paume, la rage dans la plume. J'arrive écorché vif, 22 piges, bientôt 3 ans que Darklane m'escorte et vise la plaie. Génération, j'esquinte les keufs et j'bise après. Tenter un jour de s'en prendre à la brinks. 77 Marnsen, j'ai fait mes classes, mon matricule 2091D, nous-mêmes on fait les bails. La rue m'a mordu tout petit, depuis j'suis plus pareil. La vie a fait de moi une rose noire, man, j'étais pas préparé. De passer de l'ombre à la lumière, c'est pas comme de se faire plomber par un de ses propres man. Sous pression comme un fugitif en cavale. Les palpitations s'accélèrent si j'ouvre le coche. Merde, c'est la cabane. Une cellule grise comme seul domicile. Les barreaux comme caisse claire. Le son domine aussi ici, frère. Le syndicat, un barillé de 7 bastos. Débarque dans ce move, enlève le cran d'arrêt. On vous canard tous. Sans équivoque, la grenade 2091, des goupilles, pas de blague dans nos bails, pas le temps pour les broutilles. Pas le faire quand il est chaud, qui ose croire qu'on est pas de taille. Bras de fer vers les sommets, les deux pieds dans la bataille. Sans équivoque, la grenade 2091, des goupilles, pas de blague dans nos bails, pas le temps pour les broutilles. Pas le faire quand il est chaud, qui ose croire qu'on est pas de taille. Bras de fer vers les sommets, les deux pieds dans la bataille. Sans équivoque, la grenade 2091, des goupilles, pas de blague dans nos bails, pas le temps pour les broutilles. Pas le faire quand il est chaud, qui ose croire qu'on est bataille. Bras de fer vers les sommets, les deux pieds dans la bataille.